La doublette suivante dans l'aspect française sent la haine avec tout d'abord les Savoyards de Parjure avec un extrait de leur tout premier album studio The Uncrowned Kings. On s'écoutera le morceau It Came From The Deep avec en guest le vocaliste de Brothers You Will Die, l'excellent groupe de hardcore presque metalcore un peu beatdown venu d'Espagne. Et en doublette avec Parjure El Militia, la formation francilienne de black metal bien haineux, qui sort son nouvel album studio Hollow Void, une sortie sur le français Season of Mist. Et on s'écoutera le titre Kingdom Scorch. C'est parti, Parjure El Militia. L'aspect française a le droit également à sa doublette de nouveautés, puisqu'on va retrouver tout d'abord Yojimbo, récente formation de stoner qui nous vient de Strasbourg. C'est une femme qui tient le micro, ils sortent là un premier EP 5 titres, un EP éponyme. C'est très léger musicalement, donc ça permet surtout de souffler un peu dans l'émission. C'est un petit peu fuzzy sur les bords, légèrement doumisant, sans être asphyxiant pour autant. Voilà, ça permet vraiment une bouffée d'oxygène dans l'aspect française bien d'extrême. Et en doublette avec Yojimbo, on va s'écouter Yarods, une autre récente formation, une formation musicale ultra chaotique entre punk hardcore bien vénère et dérangé et post-hardcore. La grosse influence que l'on ressent dans la musique de Yarods, ce sont les ricains de Converge. Voilà, quelques passages un petit peu plus atmosphériques et planants donc, dans cette veste post-metal. Et à noter que dans le line-up de Yarods, on retrouve deux membres de Junon, ex-General Lee, groupe de post-hardcore dont on a diffusé le dernier album l'an passé. Voilà, une doublette de nouveautés dans l'aspect française. Yojimbo, on s'écoutera le titre Devil Dance, extrait de leur nouvel et premier EP Yojimbo. Yarods ensuite avec le morceau Impunity, extrait de leur nouvel album studio Irenies. C'est parti. Souls to get toujours à l'écoute d'Elbanger sur les ondes du 93.6 jusqu'à 23h, et toujours dans l'aspect française. On a bien fait de se prendre une petite bouffée d'oxygène juste avant, puisque là on va s'envoyer une doublette qui respire zéro, avec tout d'abord le Grind Death de Proudhon, cet excellent groupe français qui nous sort Social Tympanum, son premier album studio longue durée. On s'écoutera la doublette Arsenic The Blonde Beast, et en doublette avec Proudhon, une autre nouveauté dans l'aspect française, Excruciate 666, le groupe de Black qui nous vient du nord de la France, actif depuis une vingtaine d'années. Ils sortent là leur cinquième album studio. On est toujours sur un Black ultra frontal et radical. C'est absolument rien de neuf, mais ça va à l'essentiel et ça fait méchamment le job. Donc voilà, Excruciate 666. Leur nouvel album s'intitule Antique Warlord Supremacy. On s'écoutera le titre Gogameless Blood, Proudhon Excruciate dans l'aspect française. C'est parti. Take on, take on, take on. approche déjà de la fin de l'émission. C'est vrai que cette spé française était, ma foi, fort riche. Et du coup, on la quitte pour retourner à la diff internationale avec la doublette suivante, doublette de nouveautés, une fois de plus dans la diff internationale, avec tout d'abord Messa, formation italienne. Qu'est-ce que ça nous propose musicalement? On est sur du Doom. Le groupe sort son troisième album studio en une petite dizaine d'années d'existence. Du Doom assez atmosphérique et planant, sans être non plus trop linéaire, hein, rappelez-vous ce Doom que je trouve chiant et que je n'aime pas. Des compos assez généreuses, hein, qui dépassent toutes les 5 minutes. Et musicalement, on a même des résonances orientales et des sonorités qu'on retrouve un peu moins dans le metal, même dans le metal folk, avec un petit peu de mandoline, de saxo ou même de loud, voilà, pour accentuer cette touche orientale. Une musique très riche et très très très intéressante pour Messa, et voilà, nouvelle bouffée d'oxygène dans la diff de ce soir. L'album s'intitule Close, une sortie sur la belle Svart Records, on s'écoute le morceau Ribado. Et ensuite Eucharist, une autre nouveauté pour ce soir. Formation suédoise qui, dans les années 90, était un contemporain de At the Gates et autres Dark Tranquility. Ils officient en plus dans du Melodeath. Et puis bon, c'était la frange la plus brutale, on va dire, du Melodeath scandinave de l'époque. Le groupe a splitté en 98, ils se sont reformés en 2015, ils sortent donc là leur troisième album studio, avec une grosse évolution musicale, puisque même si on est toujours d'inspiration scandinave, ils sont passés de l'autre côté de l'extrême, puisque ils sont passés au black, avec de grosses inspirations forcément Dissection. Et à noter que l'actuel cogneur de Eucharist tape également chez Marduk. Donc voilà, on est sur du black décisant, de grosse inspiration black suédois années 90. Voilà pour eux, Eucharist, I Am The Void, c'est le nom du nouvel album, on s'écoutera le morceau Vast Land of Eternal Night, c'est parti. Et on est donc dans l'avant-dernière doublette de l'émission de ce soir avec une des toutes dernières nouveautés pardon pour ouvrir cette avant-dernière doublette, Mortify qui sort son nouvel effort studio Fragment at the Edge of Sorrow. C'est une nouveauté dans l'émission, l'album vient tout juste de sortir pour Mortify. Qu'est-ce donc? Eh bien c'est du death qui nous vient du Chili, actif depuis une dizaine d'années. C'est là leur second album studio, on est sur du death plutôt old school, avec quelques relents techniques, donc ça n'est pas sans rappeler Obituary, Pestilence et même les vieux Gorguts, un death assez dynamique, bien old school, et pourtant qui déroute, donc c'est ultra plaisant à s'écouter, c'est Rao juste comme il faut dans le sens old school, et on s'écouterait le titre The Accursed and the Throes, et en doublette avec Mortify, la formation suisse Abraham. Abraham, on est sur du post-metal, post-hardcore sludge, quatrième effort studio dans la digne veine d'un Cult of Luna, même si c'est un petit peu plus frontal. Et la particularité en termes de line-up pour le groupe Abraham, c'est que c'est un batteur-chanteur. Voilà, tout simplement. Abraham, on s'écoutera le morceau Verminvisible, ou Verminvisible, c'est vrai que je sais jamais trop si vous le prononcez en anglais ou en français, toujours est-il que le titre de l'album est en français, Débris de monde perdu, c'est parti. We'll be right back. Voices from the dark! Visions in our hearts! 'Tis what we came to ask! Visions for our hearts! We'll be right back. Et voilà, c'est l'heure de clôturer l'émission pour aujourd'hui avec une toute dernière doublette, une doublette extrême. Hein. Tout d'abord, Sumerian Tombs, une autre formation de Black qui nous vient d'Allemagne. Après deux EP, ils sortent là un premier album longue durée, une sortie Van Records. On est là sur du Black plutôt atmo, avec même quelques lignes de clavier. C'est globalement rugueux. Musicalement et dans le chant, c'est très accrocheur et ça reste ultra riche en termes d'ambiance, avec des passages vraiment presque lancinants et planants, et avec des séquences plutôt épiques où ça cogne. Et ce nouvel effort et premier effort studio longue durée de Sumerian Tombs s'intitule sobrement Sumerian Tombs. On s'écoutera The Key Blood Meditation. Et pour clôturer l'émission de ce soir, on s'écoutera Pediatrician. C'est une formation qui nous vient d'Europe de l'Est, plus précisément de Hongrie. On est sur du slam brutal death, même du gore slam, presque grind dans le style. Actif depuis 2006, ils sortent là cependant leur sixième album studio. C'est plutôt bref, hein, 13 titres pour 32 minutes. Je trouve ça plutôt recherché dans un style qui a tendance à s'essouffler. Et puis en termes de concept, bon, il s'appelle Pediatrician, je vous laisse imaginer du coup les artworks tous plus dégueulasses les uns que les autres. Et le concept autour de ce nouvel effort studio, c'est le postpartum depression. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous arrivent à situer le thème abordé. Une sortie Vile Tapes Record. Et on peut s'écouter le titre tout de suite, Poliomyélitis, hein, bien sûr, qui te parle d'une paralysie chez le très jeune enfant, qui peut cependant parfaitement se combattre grâce au vaccin. À bon entendeur, bien sûr. Et sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et rendez-vous dimanche prochain pour une émission qui, celle-là, sera en direct. Et voilà. Ciao, ciao. give my soul.